comptait en haut de la cascade de l'Hérisson. Passer les routes, te souviens-tu? Et l'autre qui vendait ses moutons, le camion qui venait les prendre pour les faire tuer le lendemain. En barquette du supermarché, je te jure qu'il ne faut plus penser ce qu'il devient. De toute façon, toutes ces bêtes, on sait qu'un instant l'on a aimé. Oublié, je suis parti à la cascade de l'Hérisson. À la cascade de l'Hérisson. Merci bon sang, j'oublie les bêtes qui tuent pour de l'argent. Quand je reviens, je me dis que j'aurais pu passer la vie entière à la cascade de l'Hérisson. À la cascade de l'Hérisson. Qu'est-ce qu'il y a de l'hérisson? Ah, qu'est-ce qu'il y a de l'hérisson? Ah,